Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Fermer les yeux et faire défiler dans sa mémoire quelques œuvres de Jérôme Bosch. Par exemple, Le Jugement Dernier, Le Jardin des Délices, ses dessins aussi. C'est ce qu'on fait depuis lundi, en compagnie de notre tête chercheuse, l'historien d'art Frédéric Elsig. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le jeudi 21 avril. Dans un instant, le 4e épisode de notre série dans l'atelier de Jérôme Bosch. Et en deuxième partie, je recevrai d'abord Oriane Jeancourt qui va partager ses coups de cœur et les coups de cœur de la rédaction de Transfuge avec nous aux alentours de 6h15. Et puis tout de suite après, je serai avec la comédienne belge Astrid Wetnol, qui est à l'affiche d'un film qui sort au cinéma en Belgique et qui sera diffusé sur Arte demain. Il s'agit du dernier film de Rachid Bouchareb, La route d'Istanbul. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est parti. Chercheuse, dans l'atelier de Jérôme Bosch avec Frédéric Elsig. Bonjour Frédéric Elsig. Bonjour. 4e épisode, le triptyque des tentations de Saint-Antoine. Est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir parler aussi des techniques utilisées par Jérôme Bosch? Est-ce qu'il va évoluer d'ailleurs, Jérôme Bosch, il va utiliser les mêmes techniques? Oui, d'un point de vue technique, on ne peut pas dire qu'il y ait une véritable évolution dans la carrière de Jérôme Bosch. Il est du reste assez conventionnel dans l'usage de la technique, c'est-à-dire généralement ce sont des œuvres sur bois, du bois de chêne qui est lié au commerce de la Baltique parce qu'il y avait tout un commerce avec les meilleurs chênes qui venaient des forêts de Torun, c'est-à-dire de la Pologne actuelle, qui naviguaient sur la mer du Nord, qui arrivaient à Anvers, qui étaient débités sur le port, puis travaillés par les menuisiers anversois qui appliquaient très souvent d'ailleurs leur marque avant d'être distribué, et donc ce type de support est utilisé de la même manière par Jan van Eyck dans les années 1430 que par Jérôme Bosch entre la fin du 15e et le début du 16e siècle. De même, la manière dont il travaille est assez proche et n'évolue que peu, avec une préparation à base de colle animale qui permet de lisser encore davantage le support, de l'isoler également de l'humidité avant d'appliquer un dessin sous-jacent, le plus souvent au pinceau et à l'encre, parfois déjà avec un peu de matière picturale avant d'appliquer les différentes couches picturales. Le dessin sous-jacent est d'ailleurs aujourd'hui l'un des objets d'étude les plus développés grâce notamment aux examens réflectographiques qui, à travers une certaine onde, permet de s'arrêter sur la couche de préparation et de renvoyer l'image du dessin sous-jacent que l'on peut ainsi comparer au dessin préparatoire que l'on conserve. Donc on a une autre analyse de Jérôme Bosch avec les nouvelles technologies. Oui, c'est vrai que les nouvelles technologies n'aident pas, on va dire, à résoudre les interprétations et les attributions, mais sont des outils supplémentaires qui permettent d'affiner notre regard. Alors, comment travailler Jérôme Bosch? Comment fonctionner son atelier? Eh bien, on va découvrir ça avec vous aujourd'hui, et en passant par un exemple, celui des tentations de Saint-Antoine. Pourquoi vous avez choisi d'abord ce triptyque? Alors, j'ai choisi d'évoquer ce triptyque déjà parce que c'est l'un des triptyques les plus célèbres de Jérôme Bosch, les plus reproduits aujourd'hui, mais également les plus imités à l'époque de Bosch et peu après sa mort. C'est une œuvre qui a suscité une demande absolument extraordinaire sur le marché et donc qui nous permet de comprendre comment fonctionne la problématique du marché de l'art et notamment des ateliers qui répondent à une demande croissante. Alors, c'est un triptyque, aujourd'hui conservé au Musée d'art ancien de Lisbonne, qui, fermé, montre deux scènes en grisaille. Nous avons déjà évoqué la raison d'être de la grisaille sur les revers des triptyques à volets mobiles. Or, ces deux volets montrent au revers des scènes liées à la passion du Christ, liées plus précisément au portement de croix, et à l'arrestation, donc d'abord l'arrestation du Christ, puis le portement de croix, qui sont là certainement pour créer un parallélisme entre la passion du Christ et les tentations de saint Antoine qui sont représentées à l'intérieur et contre lesquelles le saint résiste. Alors, lorsque l'on ouvre le triptyque, on découvre là aussi la pleine couleur, un traitement chromatique qui d'ailleurs diffère sensiblement des œuvres que nous avons évoquées lundi et mardi, et qui relate différents épisodes de la vie de saint Antoine à partir de textes anciens, notamment les textes de saint Athanase, et qui est centré sur la scène la plus célèbre, celle des tentations de saint Antoine. On voit en effet le saint au cœur même de l'œuvre, en plein centre du triptyque, qui est en train de nous regarder, c'est-à-dire qu'il nous prend à partie pour, en quelque sorte, nous concerner dans ces tentations qui l'assaillent et qui doivent forcément également nous assaillir, qui est en train de conjurer le geste de fausse bénédiction que fait l'Antéchrist et qui se trouve dans ce petit oratoire placé devant lui. On voit effectivement que dans cet oratoire se trouve un autel avec un crucifix à côté duquel se trouve ce qui semble être le Christ. Mais en réalité, ce n'est pas le Christ, c'est le diable qui prend l'apparence du Christ et qui ne fait pas un geste de bénédiction, qui maudit le crucifix. Et ce que fait saint Antoine, il conjure le geste de malédiction de l'Antéchrist, qui est l'une de ses tentations. Naturellement, la plupart des tentations ont trait au plaisir de la chair dans tous les sens. Et donc on voit à la fois des plats cuisinés ou des fruits gigantesques qui tentent le saint, mais également des représentations de la luxure et notamment une prostituée monstrueuse qui se trouve juste à côté du saint et qui est certainement la tentation la plus difficile à laquelle résister. Une œuvre à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission Notre Jour est possible, bien entendu. Qu'est-ce qui explique que cette œuvre a eu le plus de succès? Alors c'est un triptyque qui s'est trouvé très tôt sur le marché de l'art basé à Anvers. J'ai dit il y a quelques instants que tout le marché des supports en bois passait par Anvers, mais Anvers était véritablement le port le plus important du monde où convergeaient toutes les nations de marchands et où s'est développé un véritable marché de l'art fondé sur la spéculation, c'est-à-dire sur les noms plus ou moins recherchés, qui influe sur les cotes que l'on donne aux œuvres. Bosch devient une marque, donc. Et ça devient effectivement, c'est Bosch qui devient la marque la plus prisée, puisque, en quelque sorte, les inventions qu'il a produites pour la cour des Habsbourg à Bruxelles ont suscité une demande tellement grande que on doit bien y répondre, et c'est naturellement sur le marché de l'art anversois que les peintres vont imiter les inventions les plus prestigieuses de Jérôme Bosch. Et parmi ces inventions, il y a celle du triptyque de Saint-Antoine. Alors, pour continuer votre analyse et pour essayer de comprendre pourquoi cette œuvre va être très demandée, très cotée, on peut faire ce que vous nous avez demandé de faire depuis le début de cette série, c'est-à-dire de contextualiser les œuvres de Jérôme Bosch. Et par exemple, pour cette œuvre, pour les Tentations de Saint-Antoine, qui a pu commander cette œuvre ? Alors, justement, dans ce cas, contrairement aux deux cas que nous avions évoqués lundi et mardi, le Jugement dernier de Vienne et le Jardin des Délices, nous n'avons probablement aucun commanditaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand prince qui commande l'œuvre, mais plus vraisemblablement, c'est une œuvre qui a été réalisée pour le marché. C'est-à-dire pour le marché libre, pour être proposée au marché. À vrai dire, on n'en est absolument pas certain parce que c'est une œuvre également de grande dimension. Et donc, on peut aussi imaginer qu'elle a été d'abord commandée par quelqu'un, puis ce quelqu'un l'a revendue très vite pour gagner de l'argent sur le marché de l'art anversois. Toujours est-il que notre certitude est que le triptyque a été acheté au début des années 1520, alors que le peintre Jérôme Bosch est mort depuis quelques années déjà, il meurt en 1516, par Damião de Goiás, qui était l'ambassadeur du roi de Portugal, Manuel Ier, et c'est ainsi que l'œuvre a été envoyée à Lisbonne, où elle se trouve encore aujourd'hui. Alors, qui a réalisé cette œuvre ? Il est temps peut-être maintenant de pénétrer l'atelier de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch travaille-t-il tout seul ? Avait-il une équipe ? Avait-il des secondes, des assistants suffisamment importants pour qu'on puisse aujourd'hui les citer ? Alors, très peu de documents parlent de l'atelier et encore moins du fonctionnement de l'atelier de Jérôme Bosch. Mais il y a tout de même deux documents qui nous parlent des collaborateurs de Jérôme Bosch qui devaient être certainement ses deux neveux. La structure d'un atelier à l'époque de Bosch est une structure avant tout familiale. Il faut rappeler que le grand-père de Bosch était peintre, que son père l'était aussi, ainsi que son frère aîné, lequel a eu deux fils qui seront peintres à leur tour et qui sont les collaborateurs de Jérôme Bosch. Donc une véritable continuité dans une dynastie. Or, ses neveux sont simplement documentés. Le premier s'appelle Johannes. Il va survivre à Jérôme Bosch pendant quelques années, puisqu'il meurt dans les années 1530. Et le second s'appelle Antonis. Lui meurt l'année même de Jérôme Bosch, probablement de la peste, comme lui, en 1516. Et ce sont eux, probablement, qui collaborent dans l'atelier de Jérôme Bosch au début du XVIe siècle, c'est-à-dire au moment où le succès du peintre connaît un essor fulgurant grâce à la clientèle de la cour et font face à une demande croissante qui explique certainement que de l'atelier de Bosch sortent désormais des œuvres qui ont un aspect assez différent des œuvres de la main de Bosch, et uniquement de la main, comme le Jardin des Délices, des œuvres qui sont préparées par Jérôme Bosch, avec un dessin de Jérôme Bosch auquel il travaille, mais qui sont complétées, pour ne pas dire exécutées, ou exécutées par un ou deux collaborateurs, et puis des œuvres qui parfois sont entièrement de collaborateurs de l'atelier. Et il est important aujourd'hui, quand on parle d'atelier, de ne pas utiliser le terme comme le ferait le marché de l'art actuel, quand on n'ose pas dire qu'il s'agit d'un peintre parce que la qualité est un peu plus faible, on dit atelier 2. Quand je parle de mon côté de atelier, je parle concrètement d'une structure familiale dans laquelle se trouvaient probablement ses deux neveux qui ont travaillé avec lui et parfois de manière autonome à partir du répertoire mis en place par Jérôme Bosch. Et vous, en tant qu'historien d'art, Frédéric Elsig, est-ce que vous pouvez distinguer un véritable Bosch, comme vous l'avez fait d'ailleurs, hein, parce que si le jugement dernier est réellement documenté, vous considérez que le Jardin des Délices est une œuvre à part entière de Jérôme Bosch. Est-ce que vous diriez la même chose des Tentations de Saint-Antoine ? Non, précisément, les Tentations de Saint-Antoine révèlent une invention absolument boschienne. C'est véritablement les idées que nous avons déjà observées dans le Jugement dernier et dans le Jardin des Délices, mais l'exécution paraît sensiblement différente. On le voit déjà de manière générale au niveau de la couleur, qui est traitée de manière très différente, mais également au niveau de l'application de la matière picturale qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus grasse, qui est traitée de manière plus rapide. On sent dans une œuvre comme celle-ci qu'il y a la main d'un collaborateur qui prendra de plus en plus de place au sein de l'atelier. Ce qui n'exclut pas naturellement que l'œuvre ait été bien préparée par Jérôme Bosch et que, sortant de l'atelier de Jérôme Bosch, elle doit être considérée comme une œuvre de Jérôme Bosch sur le plan historique. C'est-à-dire qu'un commanditaire, par exemple, qui commande à l'atelier, ne va peut-être pas forcément faire trop attention à la question de l'exécution. Ce qui compte pour lui, c'est véritablement que l'œuvre sorte bien de l'atelier de Jérôme Bosch. Demain, on poursuit notre série. Cette fois-ci, on parlera d'un exemple bien précis, d'une réplique, d'un prototype daté. Merci beaucoup, Frédéric Elsig. À demain. Merci à vous. À demain. Notre jour est possible, deuxième partie, mais avant de retrouver Astrid Whitnall, la comédienne belge à l'affiche du dernier film de Rachid Bouchareb, La route d'Istanbul. Comme tous les mois, retrouvaille avec Auriel Jeancourt du magazine Transfuge pour partager un coup de cœur. Et aujourd'hui, ce sera un coup de cœur littéraire et totalement rock. Oui, totalement rock, c'est vrai. Bonjour Toufik. Oui, Joseph O'Connor, il fait donc la couverture de notre magazine. C'est un Irlandais. Alors, on le connaît pour une grande littérature classique. Il parle très bien de l'Irlande, de l'histoire irlandaise notamment. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelait Muse, donc qui se passait en Irlande au début du XXe siècle. Et puis là, alors, il nous déconcerte complètement, mais merveilleusement bien, avec Maintenant ou Jamais, qui est l'histoire d'un, vous savez, ça s'appelle un band novel en anglais, c'est-à-dire le roman d'un groupe. C'est assez rare. Nick Toschis, par exemple, aux États-Unis, fait ça merveilleusement. Et donc, c'est au tour de Joseph O'Connor de faire ça, c'est-à-dire de raconter l'histoire d'un groupe à une période très précise du rock, qui est très peu racontée, que j'aime beaucoup, qui est la période juste après le punk. Vous savez, les puristes disent souvent que c'est la fin du rock. C'est-à-dire que les Sex Pistols, c'est fini, tout le monde a dit voilà, les Clash ont fait leur fameux dernier concert à New York. Normalement, c'est le règne de la pop, donc pour beaucoup, le début de la fin. Eh bien non, pour lui, il dit non. Il y a David Bowie, et puis il y en a d'autres qui vont continuer. Il y a la grande musique qui va continuer. Et il situe l'histoire de son groupe. Imaginaire, le groupe ? Totalement imaginaire, mais bon, on a bien compris qu'il peut emprunter à certains, par exemple, pour les vrais fans de cette période-là. On pense aux Pogues, on pense à un certain David Bowie, on pense aux New York Dolls, même si les New York Dolls, c'est un peu... Voilà, on pense un peu à tous ces groupes mythiques. Ça fait justement partie du plaisir de lire ce livre, maintenant ou jamais, édité chez Phébus. Ouais. Oui, absolument, oui. C'est incroyable de retrouver un peu cette période-là. Et puis, alors lui, vous savez, il connaît bien l'histoire parce que c'est le frère de Sinéad O'Connor. Toufik, je suis sûre que, comme moi, vous avez écouté Sinéad O'Connor à 20 ans, et ben voilà. Je dois l'avouer aujourd'hui, mais bon, on a tous été jeunes. C'était pas si mal. Donc voilà, donc il sait ce que c'est, et après, bon, c'est le grand roman classique, c'est-à-dire toujours les groupes, au début c'est formidable, surtout les années dures, c'est les meilleures années. Là, en l'occurrence, c'est en Angleterre et en Irlande. Et puis ensuite, le succès qui va être fracassant pour l'amitié. C'est la grande histoire classique, mais qui vaut toujours le mérite d'être raconté d'un groupe de rock. Et ce style n'est pas encore arrivé en France. Non, et pourtant, je sais pas pourquoi. Il y aurait des choses à dire et à raconter. Et il y a un vrai rock français, c'est vrai, il faudrait. Merci Aurélie Jeancourt. Merci Toufik, à bientôt. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin est Astrid Wetnal. Bonjour. Bonjour. Comédienne belge qui tient le rôle principal dans le nouveau film de Rachid Bouchareb, La route d'Istanbul, diffusé demain soir à 20h55 sur Arte, donc directement à la télévision après sa présentation au Festival de Berlin. Madame de Volder, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que votre carte de crédit a servi à acheter sur Internet des billets d'avion au nom de votre fille et de son copain, Kader Slimani. Leur voyage va commencer à Chypre, jusqu'à Istanbul, et de là, ils iront à Hatay. Une ville turque frontalière de la Syrie. Vous êtes au courant ? Non. Son projet est de passer en Syrie, sans aucun doute. Tous les Belges, les Français, les Européens qui se rejoignent à Hatay ont une même motivation. Le djihad. Ma fille, faire le djihad en Syrie ? C'est stupide, hein ? Si vous savez quelque chose, il faut nous aider. Je sais juste que ma fille est à Chypre avec ce cadre là et qu'elle va rentrer bientôt. Nous avons des centaines de jeunes Belges qui partent là-bas pour aller se battre en Syrie. Ouais, peut-être, mais ma fille, elle a rien à voir avec ça. Voilà, on vient d'entendre un extrait du film « La route d'Istanbul ». Et nous entendons dans le rôle d'Elisabeth, une mère qui découvre que sa fille est partie en Syrie rejoindre des djihadistes. Alors c'est un sujet d'actualité, Astrid Wetnal. Comment on se prépare à jouer ce rôle? Est-ce qu'on se dit il faut absolument lire tout ce qui s'écrit sur ces jeunes adolescents, belges ou français, qui vont en Syrie? Ou est-ce que vous prenez ça comme n'importe quel autre rôle, c'est-à-dire en essayant de vous contenter du scénario? Mais on l'a préparé de deux manières. Bien sûr qu'avec l'actualité qu'on a aujourd'hui, Rachid, en fait, a été très présent dans la préparation. Il nous a montré beaucoup de documentaires. On a lu beaucoup de témoignages. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était de mettre un visage sur toutes ces familles qui ont des jeunes, qui sont partis faire le djihad en Syrie. Et c'est d'être au plus près de l'angoisse, de la terreur, de l'incompréhension, de la sidération. C'était important pour nous d'avoir tout le contexte politique et social, mais une fois qu'on joue, c'est plus du tout ça. C'est pas parce que vous dites que c'est important, hein, donc, et pas pesant. Bien sûr qu'on avait une grande responsabilité, puisque on met en lumière un drame. Aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, c'est d'une telle violence. Cette mère, Elisabeth, comme toutes les familles qui ont des jeunes qui sont partis faire le djihad, sont confrontées à une telle violence, mais en fait, par rapport aussi d'abord à la perte de leur enfant. On comprend pas. Une mère est censée connaître son enfant, pense qu'elle le connaît, et elle se rend compte qu'elle est face à un étranger. Toutes les questions qu'on se pose à ce moment-là, la violence du choc, l'angoisse de perdre son enfant, c'est tellement de souffrance. Et puis aujourd'hui, par rapport à l'actualité, on voit qu'il y a aussi un amalgame, un regard sur les familles où parfois on a tendance à les mélanger avec les jeunes qui sont partis. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui n'est vraiment pas le cas. La force de ce film de Rachid Boujareb, c'est qu'on évite un peu les clichés, on évite même de parler du sujet de l'intégrisme, non pas parce qu'il n'existe pas, bien au contraire, il est bien présent et ça reste très présent dans ce film, mais toute la dramaturgie de ce film, c'est quand même le combat d'une mère qui va tout faire pour récupérer sa fille. Oui, tout. Parce qu'on découvre avec elle que le fait que sa fille a 18 ans, il n'y a personne qui va l'aider à retrouver sa fille. Personne ne va même l'empêcher de partir, ou même en Turquie, nulle part. Elle est majeure. Et donc, elle a un courage incroyable. Elle fera tout, absolument tout, pour retrouver sa fille. Ouais. Mais quand vous dites absolument tout, c'est-à-dire y compris essayer de comprendre sa fille. Il y a des scènes très très fortes où la mère essaye d'établir un contact avec cette fille qui est déjà partie, hein, pour qui la finalité c'est bien sûr d'arriver en Syrie. Et donc la mère, elle ne sait pas, est-ce qu'il faut exprimer sa colère? Est-ce qu'il faut, pour réveiller sa fille, pour la sortir de cet engrenage, avoir des mots durs? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait essayer d'établir un rapport de confiance, essayer de comprendre la psychologie de la fille, y compris ses raisons? C'est ça qui doit être extrêmement dur, c'est d'arriver à mettre de côté sa colère, sa rage, sa souffrance, son incompréhension. Moi, je pense que ce qui est essentiel, et c'est ce que Rachid montre dans le film, c'est de surtout renouer un lien qui a disparu, surtout pas perdre le contact. Et c'est même pareil par rapport à toute la jeunesse aujourd'hui qui est en perte de repères. Leur avouer que nous aussi, on a des doutes, que nous aussi, on est perdus, qu'on va chercher avec eux une lumière, essayer de comprendre leurs questions, comprendre leurs questionnements, oui, mais voilà, et chercher avec eux parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On est perdus, nous aussi, je pense. Mmh. Et Elisabeth est totalement perdue, le rôle donc, que j'interprète. Et oui, c'est ça, c'est vraiment... Elle essaye, elle met toute son énergie à essayer de mettre sa rage de côté, mais c'est difficile. Parce qu'elle a le peur aussi. Alors, de traiter ce genre de problème très actuel, et surtout aujourd'hui, c'est-à-dire dans entre la France et la Belgique, durement touchée par des attentats terroristes islamistes, est-ce que ça crée autour de ce projet, de cette histoire, de votre rôle dans ce film, Astrid Wetnol, des discussions, des polémiques? Comment s'est passé le tournage de ce film? Parce que, pour une fois, on peut pas dire que c'est une équipe qui a eu tout le recul pour porter un regard sur un phénomène de société. Je pense qu'on sert à ça. Je pense que c'est important de parler de ce qui se passe aujourd'hui, dans l'art, dans le cinéma par exemple. Je pense que mettre un visage, comme je vous disais, sur ces familles, que ça ne devienne pas quelque chose d'abstrait, qu'on se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent à l'arrière, c'est indispensable. Et je pense, moi je fais partie des gens qui pensent que un film comme celui-ci, ou un livre, ou une chanson, peut faire un petit peu changer les choses. Et si un jeune lit un livre qui traite du djihadisme, écoute une chanson, voit un film, et que ça l'empêche d'être trop perméable au discours des rabatteurs, par exemple, même un seul, c'est déjà énorme. Mmh. Je pense que c'est, il faut combattre l'idéologie, et que c'est par là aussi que, enfin, c'est une des manières, en tout cas. Mmh.